Put your hands together one time. Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue à FrenchPod. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour un nouvel entrepod pour parler de tout ce qui touche à la culture francophone. Et donc, pour ce premier entrepod de l'année 2009, nous allons découvrir une région de France magnifique, peut-être un peu méconnue, c'est pour ça que je suis content de vous la présenter ici, qui s'appelle la Normandie. Alors pour ce, j'ai invité une très bonne amie, qui s'appelle Yuni. Bonjour, bonjour Amaury, bonjour à tous. Comment ça va Yuni? Bah écoute, ça va plutôt bien. Donc la Normandie, c'est de là que tu viens, c'est là que tu es née, non? Non, c'est pas tout à fait là où je suis née, mais c'est là où j'ai grandi, j'ai vécu. Mes parents, mes grands-parents sont des Normands, ouais. Donc je suis de culture normande et j'ai une éducation normande. Ok, donc, d'accord. Je peux dire que je suis normande, oui, même si je suis pas née là, je suis de culture normande. Ok, d'accord. On va essayer de clarifier d'abord un peu où se trouve la Normandie. Mm-hmm. Donc c'est une région qui se situe au nord-ouest de la France, entre les régions de Bretagne, d'Île-de-France et de Picardie. Elle se trouve plus ou moins en face de l'Angleterre et est au bord de la mer, une mer qui s'appelle la Manche. Ça se situe sur le littoral, ouais. La Normandie est divisée en deux parties, la Basse-Normandie et la Haute-Normandie. Ok, d'accord. Et les villes principales, quelles sont-elles? Alors, les villes principales, Rouen... La ville la plus importante. La ville la plus importante au niveau administration. Par contre, au niveau taille de la ville, c'est très similaire au Havre. Bon, je parle du Havre parce que je viens du Havre. Donc, il y a toujours eu une compétition, en fait, entre le Havre et Rouen. Ok, d'accord, entre les deux villes. Mais bon, aujourd'hui, il ne faudra pas s'étonner si tu parles un peu plus du Havre. mais j'ai fait mes études à Rouen, donc... Ah, d'accord. Ok. Et donc, alors, on va revenir aussi à la géographie peut-être un peu plus tard. Mais d'abord, il y a le nom, ce fameux nom de la Normandie, qui a une petite histoire. Le nom Normandie vient de ses habitants, qui sont les Normands. Et les Normands sont ce qui était autrefois les Vikings. Donc, les Vikings, qui étaient les Scandinaves, sont venus s'installer en Normandie. Donc, cette région porte le nom de ses habitants, les Normands, qui étaient les anciens Vikings. Ok, the d'accord. The Northmen. Intéressant. Et alors, donc maintenant, on voit un peu mieux où se trouve la Normandie. De toute façon, je vais mettre une carte aussi sur la page de discussion pour bien la situer. Alors, toi, si jamais ici les auditeurs voulaient aller visiter la Normandie, qu'est-ce que tu suggérerais en fait? Qu'est-ce qui est comme principale attraction? Ok. Alors, si on va en Normandie, je pense qu'il faut aller voir tout de même Rouen parce que c'est une ville ancienne qui est très agréable à visiter. C'est agréable parce que t'as un quartier complètement piéton. Qui est dans la vieille ville alors? Voilà, exactement, exactement. Avec vraiment les vieilles maisons qui datent sûrement de plusieurs siècles? Tout à fait, tout okay. à fait. Donc si on veut avoir une idée de l'architecture ancienne de Normandie, Rouen est une ville à visiter. Mais bon, il y a Rouen, mais il ne faut pas oublier que la Normandie est près de la mer et que Rouen n'a pas la mer. Ah d'accord, ok. Donc, pour revenir sur la concurrence Le Havre-Rouen, ouais. Si tu veux, les Havrais diront toujours des Rouennais, la ville est très jolie, mais il n'y a pas la mer. Le Havre, nous avons la mer. Bon, enfin bon, à part Le Havre, il y a d'autres villes qui ont la mer, notamment Deauville. Deauville, oui. Connue pour sa plage et son casino. Oui. Il y a aussi Étretat, magnifique, pour ses falaises. D'accord, oui. Donc, si on aime faire un peu de j'appelle ça du trekking, enfin bon, monter sur les falaises. Ah, il y a des gens qui escaladent les falaises. Bien sûr, bien sûr. Il y a des magnifiques promenades à faire. Bon, il faut pas avoir, il faut pas. Ça peut être un peu dangereux si on va pas laisser un enfant monter tout seul sur les falaises parce que il y a quand même quelques risques. Mais elles sont assez hautes aussi, non? Elles sont hautes, mais c'est aménagé. T'as des promenades qui sont aménagées pour les gens qui veulent monter sur les falaises. Et t'as une vue absolument magnifique sur la mer. Bien. Donc en fait, si t'as envie d'une journée un peu sport près de la mer, Étretat, ça peut être un bon deal parce que tu as la plage où tu peux t'allonger, prendre un peu de soleil, te baigner. Tu peux aussi également monter sur les falaises et admirer une vue extraordinaire. Et puis après, tu redescends de ta falaise et tu as des petits cafés où tu prends ton thé, ton café. Et les gâteaux d'Étretat sont assez réputés pour être très bons. On n'oublie pas l'essentiel. Voilà. Alors manger est important. qui s'enfonce dans le pays. À quoi on peut s'attendre? Quel type de paysage? Alors, les paysages sont des paysages verts, légèrement vallonnés. Comme le climat est un climat tempéré, on a pas mal de pluie. Donc tout est très vert, avec beaucoup d'arbres. Le paysage typique normand sera un espace vert d'herbes fraîches, ouais, avec des pommiers. La pomme qui est le symbole de la Normandie. On a beaucoup de pommiers, ouais, et une grande partie de notre gastronomie tourne autour de la pomme. D'accord. Ça est joli. D'ailleurs, ça, c'est tellement joli qu'il y a pas mal de peintres qui s'y sont rendus, mm-hmm, à cause des paysages. Oui, oui, tout à fait. Les paysages, c'est une chose, et autre chose, ce sont les lumières en Normandie qui ont attiré l'œil des plus grands artistes, notamment Boudin et Monet. Monet, il y a un tableau très connu qui s'appelle Impression, soleil levant, qui a été peint au Havre, ouais, enfin, qui est un paysage du Havre, et qui a donné naissance, enfin, le titre de ce tableau, c'est Impression, soleil levant. Donc, il a donné naissance au mouvement impressionniste, donc qui, je ne veux pas dire qu'il vient du Havre, pas du Havre, de Normandie, mais c'est ce tableau-là qui a donné naissance au mouvement. D'accord. Au nom du mouvement, pour être plus précis. Ouais. Puis, autres artistes, des romanciers tels que Maupassant, ont écrit des scènes où ont inclus la Normandie dans leur histoire. Ouais, donc cette région a vraiment un intérêt indéniable. Et qui est riche aussi par son histoire, hein, que le fameux débarquement de 1944 a eu lieu en Normandie. Bien sûr, c'est un événement qui sera toujours là, et la Normandie est connue pour le débarquement qui a eu lieu, sauf erreur de ma part, en juin 44. Ouais. Donc ça a marqué l'histoire de cette région. Ce fait historique, tu peux le voir notamment, je reviens au Havre, mais le débarquement a complètement détruit la ville du Havre, et le Havre est une ville nouvelle. Et pour m'étendre un petit peu sur le Havre, ça a été... Excusez-moi. Non, mais le Havre a été nommé patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Et c'est pas une ville que les gens généralement trouvent très belle, mais l'architecture y est intéressante. L'architecte est Auguste Perret. C'est très bétonné, des bâtiments rectangulaires. Qui se dénote des autres villes de Normandie, je dirais. Oui, parce qu'elle a été complètement reconstruite à la fin de la guerre. Tout à fait. Puisqu'elle avait été complètement détruite. Voilà. Elle a dû être bombardée de tous les sens. Ouais. Voilà. Donc ça n'a rien à voir, par exemple, avec Rouen. Tu vois, Rouen, qui est une ville qui n'a pas été touchée par la guerre, donc à ce côté histoire, beaucoup plus ancienne que n'a pas le Havre. Mais le Havre a ce côté histoire aussi, mais plus moderne, je dirais. D'accord. En tout cas, moi, je me souviens, avec mes parents, ils m'avaient fait visiter. On est allé plusieurs fois en Normandie, c'est une région que mon père connaissait très bien. Donc, on est allé voir les fameuses falaises, et notamment certaines petites villes qui les bordent, comme Honfleur, qui était vraiment magnifique. Ouais, Honfleur, c'est mignon, c'est adorable comme ville. En plus, c'est sympa parce que t'as aucune voiture, t'es que des rues piétonnes, tout est en petits galets, enfin, tous les parterres sont en galets. Ce sont des petites maisons assez hautes, toutes collées les unes sur les autres, de couleurs plutôt colorées, je dirais. Ouais. T'as du rouge, du vert, du bleu, donc c'est assez étonnant, mais c'est un charme fou. C'est un charme fou. Donc, si on a envie de bien manger, de se faire un bon restaurant un soir, Honfleur peut être une option. Les restaurants t'offrent des spécialités comme des crustacés, des fruits de mer, et puis de la cuisine typiquement normande à base de crème, de beurre. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus léger, mais qu'est-ce que c'est bon. Donc, ouais, tu dis qu'il y a beaucoup de pêche là-bas, non? Oui. La Normandie est le premier producteur en France d'huîtres. Ah, d'accord. Mm-hmm. Donc, on mange beaucoup de fruits de mer, et on mange beaucoup de produits laitiers, parce que le lait, tout ce qui est à base de lait, yaourt, crème fraîche, beurre, voilà, tous les produits laitiers sont des spécialités de la région. Ouais. Mais moi, j'adore ça. Je me souviens, j'avais mangé une sole à la crème. Qu'est-ce que c'était bon. Ouais. C'est très en sauce, très en sauce et très crème, c'est vrai. Et puis c'est très bon. tout ce qui est fruits de mer et tout ça, ils sont excellents. Ouais, ouais. Bon, à part les fruits de mer, tous les produits laitiers et l'élevage des bovins, ouais, est aussi une des activités économiques de la région. Et on mange beaucoup de viande. D'accord, bon, ça, c'est équilibré. Équilibré, je sais pas trop. Je dirais pas équilibré, mais gastronomique, oui. Ça, ouais, c'est sûr. Ah, d'accord. T'as dit aussi avant qu'il y a énormément de pommiers. Oui, oui. Tout ce qui est dérivé de la pomme. Tout ce qui est dérivé de la pomme, tout ce qui est dessert aux pommes, la tarte aux pommes et le dessert de Normandie. Ouais. Tu rajoutes une petite une cuillère de crème fraîche au-dessus et là, c'est bon. Tu peux aussi ajouter un verre de cidre. Il n'y a pas de vin, je crois. Enfin, on boit du vin parce, oui, qu'en bon français, on va boire du vin, mais nous ne produisons pas de vin en, ouais, Normandie. Par contre, du cidre. Du cidre, oui. On ne boit pas assez de cidre en France, je trouve. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On perd un peu cette habitude. On l'a remplacé plus par le vin. Ouais. Hein. Attends, il faut que je dise que dans les produits laitiers, bien sûr, le fromage, quand même. Le camembert, qui est notre fromage régional et je dirais même international. Pas international, mais national. Ah, mais attends, nous n'allons pas jusqu'à l'international. Si, tu peux dire international. C'est le fromage français le plus connu pour moi, le camembert. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tout le monde, enfin, franchement, oui, les gens connaissent le camembert partout, je crois, dans, ouais, le monde. Oui, oui, c'est vrai. Et c'est normand. Et c'est normand. Et il y en a encore d'autres, certains qui sont encore plus forts, des fromages comme le Pont-l'Évêque, le Livaro. Oui, oui, oui, t'as une variété de fromages assez importante. Et j'ai même appris en préparant cet entrepode, mmh, que le Petit Suisse vient de Normandie. Ah, bah écoute, je ne savais pas, mais le Petit Suisse vient de Normandie. Exactement, alors que moi je croyais qu'il était, tiens, fait en Suisse. Bah ouais. Ça vient de Normandie. Tout a été, ah, fait en Normandie avec des produits normands. Ah, d'accord, intéressant. Mmh. D'accord, le Petit Suisse est de Normandie. Ouais. Amaury, tu me donnes faim, là. Bon, alors pour terminer le programme, il y a une dernière chose que je voudrais parler aujourd'hui, c'est le fameux trou normand. Mmh. C'est pas quelque chose qu'on fait à chaque repas, pas du tout, mais les gens savent ce que c'est, donc ils viennent de Normandie. Et... Ouais, ouais. Alors le trou normand, c'est intéressant parce que c'est une région où la gastronomie est importante. Et le trou normand, c'est au milieu du repas, enfin c'était ça, hein, la tradition, c'est qu'au milieu du repas, tu bois un shot, ça se voit en shot, hein, c'est once. Tu bois donc ton trou normand au milieu du repas et le but en fait de ce verre d'alcool... Mais c'est quoi alors comme alcool? C'est du calvados, donc boisson alcoolisée à base de pommes. Ouais, c'est un vrai alcool, hein, c'est du 40 degrés, ouais, minimum. Ouais. Hein, ouais. Tout à fait, c'est très fort. Et tu bois ça au milieu du repas dans le but d'activer l'appétit. Ah bon? Ouais, ouais, donc tu vois, parce que ça te prépare à manger, quoi. Et puis, c'est un côté convivial, comme toutes les boissons alcoolisées. Tu vois, tu échanges, c'est un échange avec les autres. Ouais, alors ça, c'est ton avis. Moi, je... Te remercier, je vais t'inviter à un repas où nous ferons un trou normand. Alors. D'accord, il n'y a pas de problème, avec plaisir. En tout cas, j'étais ravi de t'accueillir aujourd'hui ici. Merci, c'est moi qui te remercie. Je suis vraiment content d'avoir eu la possibilité de vous présenter cette belle région française qu'est la Normandie. On se retrouve également pour les leçons sur frenchpod.com. Rendez-vous au prochain entrepode. Je vous remercie beaucoup, au revoir. Au revoir.